Elle achevait de chanter cet air célèbre quand sa femme de chambre rentra. « Madame, dit la femme de chambre, cette dame est prise d'un tremblement nerveux. Offrez de la fleur d'oranger, du rhum, un potage. C'est fait, mademoiselle, mais elle a tout refusé en disant que c'était une petite infirmité, des nerfs agacés. Où l'avez-vous fait entrer ? Dans le grand salon. Dépêche-toi, ma fille. Allons, mes plus belles pantoufles, ma robe de chambre en fleurs par bijoux, tout le tremblement de dentelle. Fais-moi une coiffure à étonner une femme. Cette femme tient le rôle opposé au mien, et qu'on dise à cette dame, car c'est une grande dame, ma fille. C'est encore mieux, c'est ce que tu ne seras jamais, une femme dont les prières délivrent des âmes de votre purgatoire. Qu'on lui dise que je suis au lit, que j'ai joué hier, que je me lève. »